Approchez, mademoiselle. Approchez. N'êtes-vous pas bien sensible à l'honneur que vous fait monsieur de venir vous épouser, malgré votre peu de fortune et la médiocrité de votre état? Rayons ce mot d'honneur, mon amour et ma galanterie le désapprouvent. Non, monsieur, je dis la chose comme elle est. Répondez, ma fille. Ma mère... Vite donc. Moins de ton, d'autorité, sinon je reprends mes bottes et monte à cheval. Vous ne m'avez pas encore regardée, fille aimable. Vous n'avez point encore vu ma personne vous la rebuter sans la connaître. Voyez-la pour la juger. Monsieur... Monsieur, ma mère, me levez la tête. Silence, maman! Voilà une réponse entamée. Vous êtes trop heureuse, mademoiselle. Il faut que vous soyez née coiffée. Ou en tout cas, je ne suis pas née babillarde. Vous n'en êtes que plus rare. Allons, mademoiselle, reprenez haleine et prononcez. Je dévore ma colère. Que je suis mortifiée. Courage, encore un effort pour achever. Monsieur, je ne vous connais pas. Oh, la connaissance est sitôt faite en mariage. C'est un pays où l'on va si vite. Comment étourdie, ingrate que vous êtes. Ah, madame Argante, vous avez le dialogue d'une rudesse insoutenable. Oh, je sors. Je ne pourrai pas me retenir. Mais je la déshérite si elle continue de répondre aussi mal aux obligations que nous vous avons, messieurs. Depuis que monsieur Lucidor est ici, son séjour n'a été marqué pour nous que par des bienfaits. Pour comble de bonheur, il procure à ma fille un mari tel qu'elle ne pouvait pas l'espérer, ni pour le bien, ni pour le rang, ni pour le mérite. Doudou, appuyez légèrement sur le dernier. Oh, merci de ma fille, qu'elle l'accepte ou je la redonce.